se réveiller et rester dans tes bras, te sentir contre moi, marcher dans Paris, se perdre, entendre ta voix. Sentir ta peau contre la mienne, ton souffle dans mon cou, te regarder sourire, se réveiller et rester dans tes bras, te sentir contre moi, marcher dans Paris, se perdre, entendre ta voix. Contre la mienne, ton souffle dans mon cou, te regarder sourire.